Voici votre bulletin régional. Martine Sinclair est à la salle Guy Veilleux de Courchire le 13 juin pour son spectacle Les femmes de Luc. Pour plus de détails, voir salleguyveilleux.com. Au centre culturel de Whedon, de 14 juin à 13 h, sera présenté un gala folklorique. Il y aura Assemblée générale extraordinaire des jardins, regroupement des jardins le 15 juin à 19 h à la salle des Chevaliers de Colomb de Hastings.